La pastèque par Georges de Lys. Sur la falaise creuse, le mistral dans la pinède, accompagné du froissement mélancolique des ramures, la plainte altière des lames rebroussées. Les aiguilles des pins, desséchées par la canicule, pleuvaient d'un bruissement doux sur le sol élastique tapissé des tombées d'antan, épaississant leurs jonches jaunies, tandis que les récifs de la côte ruisselaient de la bave laissée par la morsure impuissante des vagues. Étalés sur le dos, les mains nues, écorchées, hors des effroyables souliers de misère qui gisaient sur le sol, béant du rictus d'une bouche édentée, le père Trophime, le vieux vagabond, ruminait sa fatigue et la faim qui le mordait aux entrailles. La mère, trop agitée, ne lui avait pas permis de récolter sa quotidienne provende d'arapèdes, voire de moules, qu'il mangeait à l'embouchure d'un ruisseau avec quelques crottes de pain, ramassées aux portes d'école, où les jettent les gamins friands de chatterie et dédaigneux de leurs tartines sèches. Souvent à peine y avait-il mordu, mais ce jour-là, le carillon d'un clocher lointain, sonnant les vêpres, annonçait le repos dominical, et les croutons des écoliers restaient dans la huche domestique. Trophime avait heurté aux portes du village, mais les riches étaient au bastidon, les pauvres rechignaient à tailler dans la miche. Le vagabond avait repris sa marche vers la campagne. Là, les amandes étaient récoltées, les potagers enclos de murs avec leur hérissement de tessons coupants, et là, découragé, le vieux s'était couché dans la pinède, sur la jonche élastique, berçant sa faim en frisli plaintif des branches, au grondement douloureux des lames. Pour la première fois, en face de l'infini, il se sentit seul. Depuis 60 ans, il traînait sa vie errante d'enfant perdu, sans parents, sans amis, sans femelles. Il n'avait connu ni la sympathie, ni la tendresse, ni l'amour. Un seul souci avait hanté son existence, celui de la pitance. Il n'avait jamais désiré autre chose que de n'avoir pas faim. Aujourd'hui, il avait faim. Et la viduité de son ventre tiraillé élucidait son cerveau et le peuplait de rêves. Il voyait se dérouler sa vie solitaire, morne et désolée comme les sables infinis du désert. Et devant lui, l'avenir s'enfonçait dans des ténèbres plus isolante encore. Déshérité dès sa naissance, il n'avait pas eu une mère dont le baiser eût laissé un rayonnement à son front déprimé de paria. Jeune homme, son aspect farouche et sordide effarouchait les filles, et la vieille mendiante, qui au creux d'un fossé avait eu la fleur de sa virginité, l'avait imprégné d'un dégoût si âcre que dès lors il avait dompté les révoltes de son sexe. À cette heure, cependant, il se réveillait impérieux, avide de chair rose et de ferme rondeur, et ce vieux de 60 ans rajeunissait d'une puberté nouvelle. Il se souvenait maintenant que le long des routes, il avait maintes fois croisé de fraîches jeunesses, dont la chanson se taisait à sa vue, et il se trouva vieux. Puis il comprit qu'elles avaient eu peur, et il se sentit jeune. Il ricana. Ah, la première qui passerait à sa portée dans le chemin désert, il lui faudrait ses lèvres fraîches, sa gorge souple, ses flancs rebondis, tout son corps, tout son être. Il la posséderait de ses baisers virils. Si elle lui criait, il lui clorait la bouche d'une morsure. Si elle se débattait, il avait de robustes bras, et ses poils crispés seraient de sûrs étaux. Il ne mourrait pas sans avoir savouré la joie du viol, sans avoir possédé une saine jouvencelle. Déjà son désir grandissant la rêvait vierge. Une vierge, à lui, le vieux, à lui, le vagabond, à lui, le déshérité. Et cela lui paraissait juste, mieux que juste, dû. C'était la revanche de toute une vie de dédain, d'opprobre et de misère. La revendication du droit de toute créature à sa part de joie. Son abnégation passive de naguère lui apparaissait être un fumier où il avait croupi, comme le porc vautré dans sa fange. Son passé était une lâcheté, et l'acte mâle vers lequel se soulevait tout son être, lui serait le baptême doux, formidable, renaîtrait son orgueil. Alors il empoigna son bâton et se redressa pour aller au but. Il eut un éblouissement, ses yeux s'écarquillèrent, la proie convoitée venait à lui. Il fut sur le point de se ruer, mais il redouta que son aspect ne la mit en fuite. Elle se dirigeait vers la pinède, il n'avait qu'à se dompter et à attendre. Il s'y résigna, non sans tourment de hâte. Blotti derrière une touffe de genêt, anxieux, il attendit. Elle se rapprochait lentement et l'œil aigu du vagabond l'épiait à travers la ramée. Jeune, très jeune même, presque une enfant. belle, il ne savait encore, mais appétissante et une primeur à coup sûr. Les dents de Trophime grinçaient comme s'il eût mordu dans un fruit vert, et la salive moussait aux commissures de ses lèvres frémissantes. Elle venait, rieuse, fredonnant une ronde populaire dans cette sonore langue provençale qui semble par elle-même une chanson. Elle s'interrompait par instants pour planter ses quenottes que l'on distinguait blanches dans l'écrin purpurin de sa bouche à même une juteuse pastèque aux chairs roses comme celle de ses joues animées par la marche au soleil. Alors, malgré la tentation de son désir, Trophime s'aperçut qu'il avait soif. Elle n'était plus qu'à quelques pas, la jouvencelle. Il la détaillait dans toute sa personne. C'était une enfant, un sauvageon de 13 à 14 ans, une pauvre étendue comme lui, et qui pourtant avait un rayon dans les yeux et la chanson aux lèvres. Cette misère joyeuse le troubla. La fillette vint s'asseoir auprès du buisson où était tapi Trophime, qui soudain se dressa devant elle. Elle le contempla sans crainte, rendue brave par la vie errante. Mais voyant sa face congestionnée, ses lèvres convulsives, elle comprit qu'il souffrait. Elle n'en chercha pas la cause. De quoi souffrent les misérables, si ce n'est de la faim? Et d'un geste spontané, elle lui tendit sa pastèque. Le vieux hésita. Il regarda l'enfant, vit ses yeux compatissants et son confiant sourire. Elle était jolie, la pauvresse, appétissante comme un brugnon, et la pinède était déserte. Elle haussait toujours son bras, rapprochant le fruit de la bouche du vagabond. « Mangez, père » dit-elle. Alors il prit la pastèque et pleura. C'était « La pastèque » par Georges de Lys.